peut bomber le torse, mais c'est elle qui va choisir son warrior. Hey, je décide et je fixe les règles, j'ai l'attitude du warrior. Hey, je peux bomber le torse, mais c'est elle qui va choisir son warrior. Je décide et je fixe les règles, j'ai l'attitude du warrior. Dans la poche pourtant je sens du placard. À la table que des vikings, je suis en Ragnar. Mais ça plaît envers sa j'ai pas de bagarre. Hatai le AK appelé Hagar. J'étais sur les bandes, la tessie c'est pas de la muscu. Frapper les commissaires ça m'amuse plus. Trafic, casse, puis tosse main dans le calbut. La street j'enlève son string et je la culbute. La mousseau je vais la mousser. Elle espère que je vais la bouffer. Mon Renault t'es en fin de vie, t'es essoufflé. 100 000 euros, je peux te les pousser. Je les pousser. Hey, tu peux bomber le torse, mais c'est elle qui va choisir son warrior. Hey, je décide et je fixe les règles, j'ai l'attitude du warrior. Hey, tu peux bomber le torse, mais c'est elle qui va choisir son warrior. Hey, je décide et je fixe les règles, j'ai l'attitude du warrior. Gringo, dinero, mucho. J'espère tu m'oublieras comme la Rousseau. Clé du succès, j'ai le trousseau. Congo, originaire, short de l'ordinaire. Avant j'avais centaines d'euros, oh. Aujourd'hui j'ai milliers d'euros, oh. Si elle me donne, j'fais une heureuse, oh. J'peux refaire sa vie, oui. Non, on va pas trop parler, nah. Tête à tête dans une petite allée. J'prends un dessert même si la facture est salée. Après quelques verres, elle se laisse aller. Elle se laisse aller, ah oui. C'est normal. Hey, tu peux bomber le torse, mais c'est elle qui va choisir son warrior. Hey, je décide et je fixe les règles, j'ai l'attitude du warrior. Hey, tu peux bomber le torse, mais c'est elle qui va choisir son warrior. Hey, je décide et je fixe les règles, j'ai l'attitude du warrior.